fuir le mal, tu dois apprendre à craindre Dieu. Pour arriver à craindre, tu dois apprendre sur Dieu. Pour apprendre sur Dieu, tu dois pratiquer ses paroles, goûtant son jugement et sa discipline. La crainte de Dieu et la fuite du mal sont étroitement liées à la connaissance de Dieu. Seul celui qui connaît Dieu peut craindre Dieu et fuir le mal. Pour mettre les paroles de Dieu en pratique, tu dois te mettre face à face avec Dieu et ses paroles. Demande à Dieu de préparer ton environnement afin que tu expérimentes ses paroles. La crainte de Dieu et la fuite du mal sont étroitement liées à la connaissance de Dieu. Seul celui qui connaît Dieu peut craindre Dieu et fuir le mal. Pour être face à face avec la parole de Dieu, il te faut un cœur honnête, le désir d'accepter la vérité. Il te faut le désir d'être un homme vrai, la volonté de souffrir, de fuir le mal. La crainte de Dieu et la fuite du mal sont étroitement liées à la connaissance de Dieu. Seul celui qui connaît Dieu peut craindre Dieu. La crainte de Dieu et la fuite du mal sont étroitement liées à la connaissance de Dieu. Seul celui qui connaît Dieu peut craindre Dieu et fuir le mal. Avance, approche-toi de Dieu, la valeur de ton être prospérera. Ton cœur deviendra plus pur, ta vie brillera en sens et en éclat. La crainte de Dieu et la fuite du mal sont étroitement liées à la connaissance de Dieu. Seul celui qui connaît Dieu peut craindre Dieu. La crainte de Dieu et la fuite du mal sont étroitement liées à la connaissance de Dieu. Seul celui qui connaît Dieu peut craindre Dieu.